Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes lundi 23 mai 2016. En voici tout de suite les grandes articulations. La société civile et les confessions religieuses, les représentants des femmes et des jeunes sont les acteurs qui ont été écoutés ce lundi par la médiation dans les négociations inter-burundaises reprises samedi à Arusha pour résoudre la crise que vit le Burundi. Depuis une année, la médiation promet d'écouter même ceux qui n'ont pas pu se rendre à Arusha cette semaine pour diverses raisons. Entre-temps, les deux ailes du parti Uprona se sont retrouvées ensemble à Arusha. Vous entendrez les préoccupations présentées par les uns et les autres aux médiateurs. Et dans une déclaration à la presse avant la relance de ses pourparlers, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, a demandé au gouvernement de procéder à la réouverture des médias fermés. Et les préparatifs du test donnant accès à l'enseignement post-fondamental vont bon train, comme nous le confirme le bureau des évaluations qui précise que les élèves de 9e et ceux de 10e feront des examens différents, mais que ceux qui réussiront poursuivront le même cursus post-fondamental. Les précisions, c'est dans ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. La médiation dans la crise burundaise poursuit ses entretiens avec différents groupes à Arusha en Tanzanie. Aujourd'hui, c'était le tour des représentants de la société civile et des confessions religieuses, des représentants des femmes et des jeunes. Des consultations auxquelles ne participe pourtant pas la plateforme politique de l'opposition CNRED en tant qu'entité. Celle-ci dit n'avoir pas été invitée, mais on note la présence de Léonard Nyangoma, qui dirigeait il y a peu cette coalition, et d'autres. Évariste Ngaïmenda et Tassien Sibomana de l'Uprona, non reconnu par le ministère de l'Intérieur, sont là, même si Charles Nditije, qui le dirige, n'y catégorise catégoriquement les avoir mandatés. Et le matin de ce lundi, je le disais, c'était le tour des organisations de la société civile burundaise à être entendu par le médiateur. Gilbert Bekonjangwa, président de l'UNELOP Burundi, fait savoir qu'il a demandé à la médiation de rapatrier au Burundi le dialogue. Selon lui, la constitution doit être amendée et la médiation est appelée à identifier les vrais protagonistes au conflit pour que soient discutés les moyens d'enterrer la hache de guerre. On l'écoute. Nous avons proposé de rapatrier le dialogue à Bujumbura, parce que si le dialogue continue à l'extérieur du pays, il y a risque qu'il y ait la radicalisation des opinions, des positions au sein de la population burundaise. Peut y avoir aussi la naissance de nouvelles belligérants. Il faudrait alors que le dialogue soit rapatrié à Bujumbura pour que le peuple burundais puisse suivre des doctrines et qu'il se dise. Pour que les choses soient bien faites, nous avons proposé que la constitution du Burundi doit être construite comme le code de la route. Alors, le reste pour résoudre la crise burundaise, il faudrait que la loi fondamentale soit bien construite. C'est la première proposition. Et l'idée de changer l'accord d'Arusha, ce n'est pas ça. C'est que l'accord d'Arusha pour le peuple burundais, finalement, ils comprennent que c'est un accord qui est venu pour les empêcher à élire leurs dirigeants. Nous avons aussi proposé que pour le problème actuel, avant de penser à autre chose, il faudrait identifier que les véritables parties prenantes au dialogue pour que nous puissions couper tout avec la hache de la guerre, pour que la population burundaise puisse vivre en paix et continuer le développement intégral du pays sans faire recours à la violence. Gilbert Bekonjangwa, président de l'ONELOP Burundi. La Ligue ITEC a été présente aussi dans ses consultations réservées à la société civile. Le président de cette association de défense des droits de l'homme dénonce le manque d'équité dans les invitations entre les organisations pro et les anti-troisième mandat du président Nkurunziza. Encher Nicoyagize dit avoir plaidé devant le médiateur l'arrêt des hostilités avant la poursuite du dialogue. Nous avons appelé le facilitateur à bien identifier les parties prenantes, en commençant par la société civile. Il y a la société civile burundaise qui a dit non au troisième mandat. Et il y a une société civile qui était pour le troisième mandat. Et pour nous avons vu qu'il n'y a pas eu d'équité dans les invitations. Surtout que les organisateurs qui étaient pour le mandat, ils ont été invités à une dizaine de gens. Mais les organisateurs de la société civile qui étaient contre le troisième mandat, qui a appelé au respect des accords d'Arusha, bien seulement ont été invités. C'était trois. Et pour nous avons appelé à l'arrêt des hostilités au Burundi avant d'entrer dans le dialogue proprement dit. Il y a les groupes armés qui sont déjà déclarés, donc nous avons conseillé aussi aux participants de passer à ce groupe pour qu'on fasse un dialogue soin et que le dialogue nous amène à une paix durable. Et le parti prenant gouvernemental salue le déroulement du dialogue à Arusha. La présidente de ce parti indique qu'elle a exposé à la médiation l'origine du conflit que connaît le pays depuis une année. Consili Nivigira place cette origine à la mauvaise interprétation de la constitution et de l'accord d'Arusha et la démocratie qui est mise à mal au Burundi. Les principales questions qui nous ont été posées, il y en avait trois. La première question, c'était la nature du conflit actuel au Burundi. Deuxièmement, c'était une question liée à la sécurité. Troisièmement, c'était ce que nous proposons comme perspective. Chaque parti politique, le représentant de chaque parti politique, a donné son point de vue par rapport à chaque question. Et vers la fin, l'équipe de médiation nous a donné un devoir à domicile. Ils nous ont demandé de réfléchir sur l'information comme quoi il se pourrait qu'il y ait modification de l'accord d'Arusha, modification de la constitution et aussi information comme quoi le gouvernement n'est pas inclusif. En ce qui concerne les questions qui vous ont été posées, quelles ont été les réponses du parti Iprona? En ce qui concerne la nature du conflit, principalement, la réponse a été que ce conflit est né dans la position différente quant à l'interprétation des textes juridiques. Donc, le conflit est de nature politico-juridique et comme vous vous rappelez, il y a eu un problème d'interprétation du contenu d'un point de l'accord d'Arusha et du contenu d'un article de la Constitution. Donc le problème est né de là. L'autre réponse que nous avons donnée, c'est que aujourd'hui, la perception de la démocratie au Burundi est divergente. Il y en a qui disent mieux vaut changer et d'autres disent mieux vaut continuer. Et c'est là le problème aujourd'hui qui se pose et qui nécessite une réflexion profonde. Ce sont les deux principales réponses que nous avons données. Consili Nivigira, présidente du parti prenant gouvernemental et le parti prenant L de Charles Nditije, indique qu'il a posé des préalables au début effectif du dialogue interburundais. Tassien Sibomana, porte-parole de ce parti, dit qu'il a indiqué à la médiation que l'arrêt de la violence, l'emprisonnement arbitraire et la violation des droits de l'homme doivent précéder les vraies négociations sur des questions politiques. Nous avons demandé à la médiation qui regorge de deux personnalités qui ont joué un rôle important dans la signature de l'accord d'Arusha pour que cette médiation s'implique afin de mettre en place un organisme permanent chargé de veiller au respect et à la mise en application de l'accord d'Arusha dans toutes ses dispositions. Ici, nous avons proposé que cet organe soit composé des Burundais et des internationaux qui représentent les principales organisations internationales et régionales et pourquoi pas les principaux partenaires et bailleurs du Burundi. La troisième préoccupation que nous avons exprimée à la médiation, c'est qu'après cela, on puisse démarrer le véritable processus du dialogue et qui se veut être le plus inclusif. Qu'est-ce que nous avons voulu dire par là? Nous avons voulu dire que, comme la genèse de la crise est connue, il y a des anti-troisième mandat, il y a des pro-troisième mandat. Donc, que tout ce monde-là, qu'il se réclame du SNAED, d'Amizero ou des autres partis qui ont voulu garder leur autonomie, et que tout ce monde-là, y compris les organisations de la société civile, les confessions religieuses et ainsi de suite, soit convié à la table des négociations pour que la question soit vidée une fois pour toutes. Nous avons d'ailleurs proposé qu'au-delà de ces acteurs politiques ou de la société civile, on puisse inviter même ceux qui ont déjà pris l'option de combattre le système de Bujumbura illégal avec les armes pour qu'on puisse trouver une solution durable, puisqu'on ne peut pas accepter qu'il y ait un accord politique, alors que d'autres sont en train de combattre par les armes, parce que ça serait un vain mot. Tassien Siwomana du parti UPRONA non gouvernemental. Pas de commentaires pour l'instant de la part des représentants du parti au pouvoir, ni ceux du gouvernement. Nous les cherchons, mais sans succès. Le facilitateur dans le dialogue interburundais confirme qu'il pourra rencontrer toutes les parties prenantes qui n'ont pas été en mesure de se rendre à Arusha cette semaine pour la reprise du dialogue interburundais pour des raisons diverses, alors qu'elles avaient été invitées dans un communiqué sorti par le bureau du facilitateur ce dimanche 22 mai. Benjamin Mkapa regrette leur absence et note que leur participation sera une valeur ajoutée, mais ne précise ni quand ni où il les rencontrera. Mais il dit que ce sera très prochainement. Précisons pour être un peu plus complet sur ce dossier que toutes ces consultations entamées samedi devraient déboucher sur la définition d'un agenda acceptable pour tous, à partir de tous les points de vue de tous les acteurs écoutés séparément par la médiation. Une tâche complexe pour l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs. Ibrahim Fall se veut pourtant optimiste pour cette prochaine étape du sommet qui sera orientée vers une mise en commun de tous les acteurs pour aller au fond des questions avec un calendrier précis. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande au gouvernement du Burundi de continuer à lutter contre toute forme de discrimination. Dans une déclaration de cette commission, sortie juste avant la reprise du dialogue interburundais, la CNIDH demande aussi au gouvernement de procéder à la réouverture des médias fermés. Suivez le président de la CNIDH, Jean-Baptiste Barivonekeza. D'assurer la reprise rapide des activités des organisations de la société civile aujourd'hui suspendues. D'accélérer le processus de réouverture des médias privés encore fermés et d'adopter des stratégies visant à minimiser l'incidence négative de la rumeur et des fausses informations sur la population. De poursuivre des réformes institutionnelles et politiques nécessaires en vue de lutter contre la discrimination, la haine interethnique et d'assurer la sécurité pour tous tout en évitant de créer de nouvelles inégalités. Dans cette déclaration, la CNIDH recommande également au gouvernement d'assurer la sécurité pour tous. De prendre toutes les mesures adéquates dans les confins de la Constitution et de la loi afin de garantir la sécurité de tous contre les attaques des individus armés. De prendre des mesures adéquates d'encadrement de la population, en particulier les jeunes, les retraités et les autres groupes vulnérables afin de les protéger contre l'oisiveté, le mécontentement, le besoin, le sentiment de laisser pour compte et la manipulation. Dans le reste de l'actualité, un homme du nom de Nouimana Dominique est mort fusillé le matin de ce lundi entre 8h et 9h sur la colline Mouvira, en zone Nyagasasa de la commune Mugamba. Nous sommes dans la province de Bururi. D'après les sources administratives, il a été tué par des hommes armés non encore identifiés quand il arrivait dans un marais à côté d'une plantation d'arbres. Cette source administrative indique que le tué n'était pas natif de la commune Mugamba et que son ancien employeur a expliqué qu'il était parti depuis le mois de mai l'année passée. À Gitega, le nommé Chimirimana Jonas est mort dans une attaque armée perpétrée la nuit de samedi à dimanche sur la colline Nzove en zone Rwisabi de la commune Mutao, province de Gitega. Denis Niyomouwanyi, administrateur de cette commune qui confirme l'attaque, ajoute qu'une femme a été blessée par ces bandits armés. Arthur Kavabushi nous donne les détails. Comme le dit l'administrateur de la commune de Mutaro, Denis Niyomouwanyi, la colline Nzove qui a été attaquée possède un centre de négoce où les gens aiment se rencontrer pendant la soirée. Il était vers 23h quand un groupe d'hommes a attaqué. Denis Niyomouwanyi fait savoir qu'ils ont commencé à tirer dans tous les sens pour faire peur aux gens afin de les empêcher d'aller intervenir. Cet administrateur dit que les auteurs de cette attaque ont commencé à détruire cette boutique et que parmi ceux qu'ils ont pu voler, il y a 5 casiers de primus, 10 fardes de tabac, 2 sacs de riz, 2 douzaines d'huile de beauté, 20 kilos d'arachide et une somme de 74 000 francs. Ceux qui ont attaqué ont tiré sur un commerçant qui travaille également à l'hôpital de Gwisabi comme aide-soignant du nom de Chimiliman Jonas de 36 ans. Il est mort hier à l'hôpital d'Omutoyi. Ils ont également blessé une femme après l'avoir battue. L'administrateur de la commune de Mutaro a indiqué que les forces de l'ordre sont arrivées en retard, faute de moyens de déplacement. Sachez que ce groupe qui a attaqué comportait à peu près 10 hommes et qu'une position de policier y sera installée. Pour sécuriser la colline Zové, comme l'a fait savoir l'administrateur. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Et le centre de santé de la zone Ouibara de la commune Mutumba en province Karoussi est fermé depuis 4 jours. Le personnel dit qu'il travaille sans être rémunéré. Les responsables du district sanitaire dans la province indiquent qu'ils sont en contact avec les responsables de l'archidiocèse de Gitega pour résoudre la question. Et les autorités administratives ainsi que les responsables de l'agriculture et de l'élevage en province Ngaro annoncent que la récolte du haricot pour la saison culturelle B sera bonne. Ils expliquent que c'est parce que les intrants agricoles ont été disponibilisés à temps et demandent à la population de ne pas gaspiller leur récolte. Je vous l'avais dit, les préparatifs du test donnant accès à l'enseignement post-fondamental vont bon train. Selon le directeur du bureau des évaluations, il y aura un questionnaire destiné aux élèves de 9e fondamental et un autre destiné à ceux de la 10e année de l'ancien système éducatif. Patrice Manengeri précise pourtant que les deux catégories d'élèves vont poursuivre le même enseignement post-fondamental. Le point avec Aubin Niohour. Le travail des agents chargés de la conception des épreuves a déjà commencé, annonce le directeur du bureau des évaluations du système éducatif. Patrice Manengeri informe qu'il y aura deux catégories d'épreuves. L'une pour les élèves du système fondamental et l'autre pour ceux de l'ancien système. Il y a des élèves qui terminent la 9e année et les élèves qui terminent la 10e année. Et chaque groupe va présenter son examen. C'est-à-dire pour la 9e année, il y aura des épreuves de langue. Langue 1 qui est constituée du français de Kirundi. Langue 2, c'est l'anglais et le swahili. Ils vont présenter également les mathématiques. Il y a aussi les sciences des technologies, les sciences humaines et l'entrepreneuriat. Tandis que pour la 10e année, c'est comme d'habitude, c'est les mathématiques, le français, l'anglais, et à la chimie, la biologie et la physique. Pour les deux catégories d'élèves, ceux qui vont réussir vont poursuivre leurs études dans un même système post-fondamental, selon toujours le directeur du bureau des évaluations. Il y a différentes sections qui sont organisées et on est en train de préparer un nouveau programme, le programme du post-fondamental. Et ces élèves, ils vont suivre le même programme, c'est-à-dire ils seront orientés dans les différentes filières. Ils vont étudier ensemble parce qu'on a formé les élèves de 9e année de tel que leur profil soit égal au profil des élèves qui terminent la 10e année. Alors, ils seront orientés dans les mêmes filières. Ceux qui n'auront pas une note qui leur permet d'accéder à l'enseignement post-fondamental, soit ils pourront redoubler de classe si les places sont disponibles, soit ils vont continuer dans l'enseignement des métiers. Ceux qui vont échouer, s'il y a de la place, il y en a qui vont reprendre l'année. S'il n'y a pas de la place, d'autres vont aller dans la vie habituelle. Il y en a qui vont suivre dans l'enseignement des métiers. Pour cette édition 2016 qui débute le 8 juin prochain, les effectifs des élèves qui vont passer ce test sont évalués à plus ou moins 125 000 élèves pour ceux de la 9e année fondamentale et à plus ou moins 96 000 pour ceux de la 10e année. Merci Aubin pour toutes ces précisions. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde de micro. Vous étiez avec Jean-Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.